Parce que ma femme n'a pas de jalousie. L'insécurité. Pour détruire l'insécurité, je l'ai envoyé. Puis des années plus tard, je l'ai envoyé parce que j'étais en initiation, enfin, je ne pouvais pas sortir dans ce temps-là. Je savais qu'elle aimait ça pour aller sortir pour être super, papa. J'ai fait rencontrer un gars absolument extraordinaire, un bel homme. Moi, j'ai donné un crapaud au-dessus de lui, un beau ski, beau. Ben sidekick, un grand bonhomme. D'ailleurs, un grand, grand bonhomme. Puis, elle sortait, puis il y avait de belles argent, fait qu'il nourrissait, ils travaillaient ensemble. Là. Puis, c'était bon pour elle, ça la relaxait, elle pouvait sortir, il s'amusait un petit peu. Mais, elle savait où ce qu'on était. C'était en dedans, elle avait de la sécurité. Puis elle savait pas, elle savait que je l'envoyais pas parce que je l'aimais pas. Fait qu'elle pouvait être. Elle pouvait avec lui faire une expérience que moi je pouvais pas lui donner parce que j'étais en initiation. Fait que je pouvais pas aller dans les restaurants, des grands restaurants. Ça m'intéresse pas. Mais elle avait besoin d'un break. Fouille. Fort en dedans. Quand t'es fort en dedans, t'es fort en dedans. C'est pas une confiance réciproque. C'est... Mais... Non. C'est pas bon. Jamais. Jamais. Faut jamais de confiance réciproque. Il y a un échange. Mais jamais de confiance. Ayez jamais confiance à un être humain, vous êtes dans la merde. C'est plus un choix. Mais c'est une autre forme. C'est une des grandes erreurs de l'ego. C'est une autre forme. C'est un... Non. C'est un... Non. C'est un épée de Damoclès. Quoi? Les pieds de ta mère. Les pieds de ta mère. Ouais. Parce que tu sais jamais si un jour cet être-là va te laisser. Ben non, on n'est pas là. Au niveau de l'ego. Si vous êtes en conscience, vous n'aurez pas de problème parce que les deux sont sur une longueur d'onde. Mais je parle des gens qui sont dans la vie, là. C'est la pire chose qu'un être peut faire pour lui-même. C'est d'avoir confiance d'un être. Puis d'ailleurs, c'est de là que vient la jalousie. Jamais avoir confiance à un être. Ça veut pas dire pas avoir confiance à un être, ça. Ça veut dire jamais avoir confiance à un être. Mais quand les personnes, ça marche pas, pourquoi avoir la jalousie? Je t'explique le problème dans la vie. Tu serais surpris comment il y a de personnes qui souffrent de jalousie. Bah. C'est la destruction complète. Surtout aujourd'hui. La destruction complète. Faut jamais avoir confiance dans un être. Jamais. Il faut avoir confiance totale en soi-même. À ce moment-là, tu es capable de dealer avec n'importe quelle contingence. N'importe quelle situation. Il te laisse, il n'y a rien là. C'est ça. Il joue un tour, il n'y a rien là. Hé, hey, avoir confiance en un être. C'est de vendre son âme. Ça, à qui? À ses sentiments. Bon, moi, je disais ça, là. Je ne me sens pas jaloux. Regardez quoi? Regardez ce que vous dites là. On ne peut pas posséder un autre être. Non. On ne peut pas se rejoindre. C'est ça, c'est une liberté. Non. C'est chacun. Mais il y a des gens qui ont confiance à leur toutou. Puis un jour, ils se retrouvent que le toutou, il sort avec un autre toutou. Il y a des têtes qui ont des yeux, peut-être. Puis ils ne disent pas. C'est cochon. Je connais des femmes. Il y a des yeux bien brillants, sans bonne. Je connais des femmes, des bonnes mères de famille, puis tout ils sortent depuis des années avec des toutounes, puis ils ne savent pas. Ah, il n'y a pas d'idée partout. Mais tant que ça y fait pas mal. Ouais, quand ça c'est pas mal. Mais qu'elle sache, elle va se prendre. On va mettre la quand tu sais, de là-dessus. C'est capable. On va pas du frigo. Mais pourquoi pas? Oui, c'est capable. Il y en a qui sont pas capables. On sait pas. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Il faut le passer. Ouais. On l'a vu de la faut jamais mettre sa confiance dans un être. Il dit ça, t'es de l'inconscient. T'échanges avec un être 100% au bout. C'est un bon échange. Ça dépend de toi, mais t'as confiance en l'autre, puis l'autre, il fait tout. La confiance, il est tombé à terre. L'homme, c'est vrai, ça. Ils sont désarmés, ça ne peut pas faire. Mauvais. Puis dans le domaine de l'amour, c'est là que l'homme vit les plus grandes expériences au niveau de dépression émotionnelle. Parce que la plupart des gens passent par une expérience. Il y en a une qui vient d'un séminaire, là, est en amour, là, elle voit plus clair, puis elle a peur, là, tu vois, comprends-tu? Parce qu'elle est trop. Puis c'est une vieille fille, tu sais, 35-40. Son patron au bureau, mon comptable, c'est toi. Il, ça flirte depuis quelque temps, puis ça vibre. Puis elle a peur. Puis là, il l'invite à dîner, le frère. Mais elle a encore bien plus peur. Puis elle a pas eu beaucoup d'expérience avec les hommes. Fait que là, elle a vu, comprends-tu? Elle avait goûté à coucher. Elle a peur, parce qu'elle sait que si elle goûte à coucher, elle va rentrer dans le paquet. De ses émotions. Ok, monsieur Bessette, là. Ça va stabiliser ses gants. Ouais, c'est une grande expérience. Mais là, elle a confiance. Pas confiance. C'est sa confiance en lui là, qui permet à elle de faire le pas. Elle va écouter tout à l'heure, dans 6 semaines. Là. Elle dit que ça va être tough. Puis elle va venir moi avec des grandes larmes. On peut pas mettre notre confiance dans l'homme parce que l'homme n'est pas conscient. Quand vous aurez un homme conscient, quand vous rencontrerez un homme conscient, vous pourrez mettre votre conscience, votre confiance dans l'homme. Mais il dit que ça ne sera plus de la confiance. Ça va être de l'échange. Parce que quand tu es dans la conscience, tu ne peux pas te jouer. Ça, soit tu n'es pas dans la conscience. C'est soit tu es dans la conscience ou tu ne l'es pas. Moi, j'ai de la misère avec le comptable de la compagnie parce que dans la compagnie, il y a Gisèle, il y a une autre personne, puis il y a moi. Puis il comprend pas trop comment est-ce que je fonctionne au niveau financier. Parce que j'ai dit, ah, ben Gisèle, c'est comme ma soeur. Ah, non! On parle de comptable, le gars. Puis, ça, des fois, je dis, parce que moi, j'ai jamais d'argent, mais des fois, je dis à Gisèle, demain, une petite pièce, un petit 20 pièces. Ça prend tout, Pierre. J'ai pris ma belle-mère. C'est bien. Non, c'est tout de même pour toi. Hein? C'est tout de même pour toi. Fait que le comptable, il dit à moi, il dit, prends pas de chance. Je suis obligé de respecter son opinion. Il dit, le calmer. Je peux pas commencer à parler de la conscience. Est-ce que ça doit les tourner un peu, les chèques qui prennent le compte? Moi, en affaires. Ton entourage? Ouais. Quand je, aussitôt que je suis en affaires, c'est toujours compliqué. Parce que le comptable. Parce que j'aime bien avoir un comptable inconscient. Parce que le comptable inconscient. Il est dans forme. Il fonctionne dans la forme. Puis je veux justement que le gars prenne bien soin de la forme parfaitement pour que j'ai pas d'affaire avec le gouvernement. Moi, je veux rien à savoir. Je veux rien savoir. J'ai pas d'énergie à perdre de ce niveau-là. Quand un bon comptable conscient qui connaît ses affaires, là, relax. C'est ça. Pour rentrer en conscience là-dedans. Et quand t'es conscient, tu peux voir les fonds quand même, mais pour ça. Quand t'es conscient, tu peux quoi? Tu peux voir les fonds quand même, mais pas ça. T'es complet, pas. Seulement que tu prends. Quand vous quand travaillez-vous avec des spécialistes? Le gars, il a la vibration pour ça, il a la vibration pour ça. Alors, tu payes pour ça, tu n'as pas de problème. Ton mec, il est un comptable conscient. D'abord, si je tombe un comptable conscient, il fera plus de comptabilité. Parce que ça ne vaut plus rien. Tu commences à parler de ta conscience, tu peux parler d'ici. Là. Ça vaut rien. C'est comme un avocat conscient. Moi, si j'allais en cours, je peux pas laisser l'avocat débattre mon cas. Faut que je le débatte tout seul. Mon cas. Parce que l'avocat, il comprendra jamais ce que je veux dire. Parce que de toute façon, de parler à un juge. Quand tu parles à un juge, faut que tu le respectes. Faut que tu donnes raison. Faut que tu démolisses sa raison. Faut que tu empiricises la tienne. À la fin. Au début. Tu fais du dialogue, tu fais du dialogue. Puis finalement, là, il y a une façon de parler à un juge. Mais si j'explique mon père, mon avocat, lui, il va agir à sa façon, des plans pour que je perde la cause. Parce que moi, si je vois, j'en perdrai pas la cause. Je peux pas perdre ça de cause. Je gagne tout le temps la cause. J'ai toujours raison. Toujours d'esprit en esprit. Fait que vibration du juge, je les connais. J'ai gagné mon cause à l'Afrique du Nord, mais j'avais 5 juges de la Sorbonne en France. J'ai gagné mon cause.